song. À quoi sert cet amour? La moitié de ma vie a affronté ma vie. Je n'ai pas encore fini mais j'ai gagné la partie. Je me suis toujours battu pour soigner l'hémorragie de cette fille à qui j'avais donné toute ma vie. Pour le meilleur et pour le pire, telle était ma devise. 5 ans de vie foutue, aujourd'hui j'analyse. Quand j'y pense à toute cette endurance, moi-même je me demande pourquoi autant de chance. Quand j'ai appris la nouvelle que je l'ai perdue, qu'elle passait tout son temps à me tromper depuis le début, j'étais surpris, je n'y croyais plus. Elle était toute ma vie, celle à qui j'avais sacrifié toutes mes nuits, celle que j'avais choisie. Celle à qui j'avais donné ma force et mon énergie. À quoi sert l'amour si dedans il y a une faille? À quoi sert l'amour si demain elle se taille? Écoute, l'amour ne rime à rien. Les âges dans cette vie, c'est l'obstacle à ton destin. À quoi sert l'amour si dedans il y a une faille? À quoi sert l'amour si demain elle se taille? Écoute, l'amour ne rime à rien. Les âges dans cette vie, c'est l'obstacle à ton destin. À quoi sert cet amour qui nous guette et qui nous détruit toujours? À quoi sert cet amour qui nous hante nos têtes et nuits et jours? Aujourd'hui quand j'y pense à ces années de souffrance, mon cœur bat et moi je ne supporte pas. Que puis-je faire pour t'oublier? Que puis-je faire pour détester celle qui a tout gâché et qui a percé mon cœur pendant toutes ces années? Sache qu'un jour ou l'autre, tu le regretteras. À quoi sert l'amour si dedans il y a une faille? À quoi sert l'amour si demain elle se taille? Écoute, l'amour ne rime à rien. Et sache dans cette vie, c'est l'obstacle à ton destin. À quoi sert l'amour si dedans il y a une faille? À quoi sert l'amour si demain elle se taille? Écoute, l'amour ne rime à rien. Et sache dans cette vie, c'est l'obstacle à ton destin. À quoi sert l'amour si dedans il y a une faille? À quoi sert l'amour si demain elle se taille? Écoute, l'amour ne rime à rien. Et sache dans cette vie, c'est l'obstacle à ton destin. À quoi sert l'amour si dedans il y a une faille? À quoi sert l'amour si demain elle se taille? Écoute, l'amour ne rime à rien. Et sache dans cette vie, c'est l'obstacle à ton destin. Sache, je t'ai vraiment aimé, malgré les difficultés, je t'ai vraiment aimé. Je ne voulais pas te voir souffrir, je voulais juste te voir sourire, mais malheureusement, tu as tout gâché. Tu as tout gâché, mes rêves et mes souvenirs, mais moi, je reste toujours ok. Tu as tout gâché, mais sache qu'un jour ou l'autre, tu te demanderas, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu as détruit l'empire que je t'avais construit. Tu as détruit les sentiments que j'avais réunis. Pour toi et ton sourire, j'étais prêt à tout. Même pour aller décrocher la lune, je la fous. Et ça, tu le sais. Tu as tout gâché. J'ai plus la force de tout vous dire, car j'ai tout dépensé. Le regret vient après la mort. Et ça tu le sais.